Dossier 5. Leçon 2. Appeler, répondre au téléphone. Activité 6. 1. Allô ? Qui est-ce ? C'est toi, papa ? 2. Allô ? Je suis bien au 01 39 43 82 27 ? 3. C'est de la part de qui ? 4. Vous voulez laisser un message ? 5. Je voudrais parler à Mademoiselle Chamfort, s'il vous plaît. 6. Est-ce que je peux laisser un message ? 7. Excusez-moi, je me suis trompée. 8. Allô, Alice ? C'est Violaine. 9. Quel numéro demandez-vous ? 10. Oui, c'est moi. C'est qui ? 11. Ne quittez pas, je vous passe Marc Lebrun. 12. Oui, ne quitte pas, j'appelle Sarah. 13. Oh non, ici c'est le 01 39 43 82 17. 14. Allô, pouvez-vous me passer le directeur, s'il vous plaît ?